Le comité central de l'Union de la jeunesse révolutionnaire populaire Lao a fait parvenir un présent au maréchal Kim Jong-un. Santanu Tamawon, secrétaire du comité central de l'Union, l'a transmis le 28 septembre à Kim Jong-nam, président du présidium de l'Assemblée populaire suprême.